Le paradis, car je squatte le purgatoire par peur de trouver l'enfer. J'ai mal attente une maladie. Pourtant je ne fais que ça et je passe mon temps à m'en faire. Y'a pas grand chose qui m'éclate. La vie me met des claques, le cœur couvert de brûlures qui recouvre des cloques. Une cicatrice remplace une autre et douloureuse jusqu'à la suivante. Éternel recommencement, oui tu souffres de manière constante. Regarde l'époque de mon enfance. Une figurine ou un ballon suffisait à mon contentement. Aujourd'hui j'ai tant de choses, mais aucune m'en change. Je cours après le bonheur en sachant qu'il n'existe pas. Et mon champ vaut pas grand chose, mais il me libère. Regarde le monde, c'est déprimant comme un début d'hiver. Je n'arrive pas à prendre du recul, tout me saoule et me désole. Et personne me comprend vraiment, donc j'ai pas le choix, je m'isole. Et m'ouvrir me glace le sang, un peu comme quand t'es nu dehors. Et le cercle vicieux circule de manière continue. Pas de sourire sur mes lèvres, gercé par le froid. Mais j'avance et je me relève, car putain j'ai pas le choix. Cœur brisé à deux reprises, ça m'a ôté un peu de goût pour la vie. Comme la cigarette que tu fumes par paquet. Que veux-tu, c'est ainsi, faut de tout mon ami. Faut pas que tu t'arrêtes même si tu te fais plaquer. Quand la lumière s'éteint, écoute ce refrain. Cette douleur, ce souvenir si lointain. Lève ta main et bats-toi pour que demain ton destin soit la hauteur. Suis seul ton chemin. J'ai mal à en vomir mes tripes, mais je fais mine de rien. Rien qu'entendre vos rires, mes tripes, j'ai mon cœur dans les mains. Et je sais pas quoi en faire, donc je le piétine moi-même. Et je prends plein de chemins différents, et je sais pas où ça me ramène. J'ai la sensation effrayante qu'au final tout finit mal. Que je devrais pas être empathique, car je ne suis qu'un animal. Je parais sympathique, tu ne sais pas ce que je cache. Des pensées meurtrières et morbides qu'on lit pas sur mon visage. Et ces rimes que je recrache, ma peste à tantiner. Donc je rappe ma putain de rage, à défaut de verser des larmes. Je garde un peu d'espoir, je finirai par m'en tirer. Même si ça se ressent pas dans ce putain de verre, c'est alarme. C'est juste une mauvaise passe, par définition ça passera. Mes hauts sont de plus en plus courts et mes bas s'éternisent. Je rêve de me casser, j'en ai les moyens, mais je me casse pas. Mon futur est une image, les démons de mon pas s'éternisent. Je suis foutu, j'ai pas les épaules pour ce monde. Il me dégoûte, me décourage, le putain d'orage m'inonde. Vie morale et insensée, j'ai mal quand je vois l'intolérance et la violence. Merde, je refuse de rejoindre les rangs. Je me sens si seul et incompris, pour moi vous avez rien compris. À la vie, mes pensées la vivre, vous êtes complices, oui, bande de cons. Pliez vos règles, liez vos bribes, salmodiez vos prières. Livrez vos idées aussi, demain sera pire qu'hier. Quand la lumière s'éteint, écoute ce refrain. Cette douleur, ce souvenir si lointain. Lève ta main et bats-toi pour que demain ton destin soit la hauteur. Suis seul ton chemin. Sans jamais baisser les bras. Écoute-moi, je suis ta.